Vous écoutez RQC Only sur RQC. En couleur, en concert, sur RQC. Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM avec vous jusqu'à 10h30. Scream pour l'émission Backstage. Et aujourd'hui, ben, quel backstage avec un groupe, on va dire un petit peu connu comme ça pour se marrer. Allez, c'est U2 avec leur, pour moi, leur l'album de la consécration qui est The Joshua Tree. Juste avant, pour remettre un peu le contexte et pour les personnes qui ne connaissent pas, ceux qui m'étonneraient, U2 est un groupe de rock irlandais formé en 1976 à Dublin. Il est composé de Bono au chant et à la guitare, The Edge à la guitare et au piano, et au chant aussi, se met de temps en temps un frondonné, Adam Clayton à la basse et Larry Mullen JR à la batterie. Depuis les années 1980, U2 s'est imposé comme un groupe majeur sur scène mondiale, et on lui doit notamment des albums comme War, The Unforgettable, Fire, The Joshua Tree, Artoon Baby, The Rupa Pop et bien d'autres. Les singles Sunday Bloody Sunday, New Year's Day, Pride in the Name of Love, donc We From Without You, I Still Want to Find Not Looking For, et bien d'autres sont signés sur le label Vertigo, et c'est des gros succès. U2 a vendu jusqu'à présent plus de 170 millions d'albums à travers le monde, c'est déjà pas mal. Voilà, donc vous savez maintenant que U2, c'est des grands, hein, si vous ne le saviez pas encore, ben voilà, vous le savez. Et quand ils font des tournées, c'est monstrueux. Donc avant de commencer à entrer dans le vif du sujet sur l'album de The Joshua Tree, on va d'abord s'écouter le premier titre que j'ai choisi. On va s'écouter Bullet the Blue Sky de U2, donc sur l'album Joshua Tree qui est sorti en 1987. Dollar bills, slapping them down. 100 And I can see those spider planes. And I can see those spider planes. Across the mud huts where the children sleep. Through the alleys of quiet city street. And take the staircase to the first floor. And turn the key and slowly unlock the door. As the man breathes into his saxophone. And through the walls we hear the city groan. Outside it's America. Outside it's America. Voilà le premier extrait donc de U2, l'album Joshua Tree sorti en 1987, The Bullet, The Blue Sky. Alors, on rentre dans le vif du sujet. The Joshua Tree est le cinquième album studio du groupe de rock irlandais U2, sorti le 9 mars 1987 sur le label Highlands Records. Il est produit par Brian Eno et Daniel Lanois. Enregistré par Flood, Dave Megan et Pat McCarthy, et enfin mixé par Steve Lillywhite, Mark Wallis et Mark Kitlett. Donc ces trois personnes ont mixé cet album. L'album a été conçu principalement au studio Windmill Lane et au STS Studio à Dublin entre août 86 et février 87. Influencé par le blues, le folk et le gospel, c'est le disque de la consécration, comme je vous disais tout à l'heure, international pour U2. Plébiscité par les critiques dès sa sortie, The Joshua Tree se classe numéro 1 dans 23 pays au monde, avec en prime les honneurs de la couverture de The Time Magazine pour le groupe. Ce succès est dû principalement à ces trois tubes planétaires « Where the streets have no name »,« I still haven't found what I'm looking for » et « We for without you ». The Joshua Tree a reçu le Grammy Award de l'album de l'année le 2 mars 1988, considéré comme un des succès mondiaux majeurs des années 1980. L'opus figure aussi dans plusieurs listes des meilleurs albums de l'histoire. En 2003, le magazine Rolling Stone classe le disque à la 27e place dans ses 500 meilleurs albums de tous les temps. Réédité le 3 décembre 2007 pour son 20e anniversaire, The Joshua Tree s'est vendu depuis sa publication entre 25 et 28 millions de copies à travers le monde. On va intervenir après pour vous parler un peu du contexte, comment s'est créé cet album de Joshua Tree. Vous allez voir, on va être un peu, vous allez être étonné. Voilà, en attendant, on va s'écouter un autre titre de cet album, c'est le titre numéro 10 sur cet album, Joshua Tree. Et on va s'écouter Excite, si vous voulez. Backstage, les coulisses du son. To believe in the hands Voilà, deuxième titre donc, extrait de cet album Joshua Tree, Exit de U2, donc backstage consacré à ce magnifique album de U2 sorti en 1987. Alors, on va rentrer dans l'historique de cet album, la fabrication, on va dire comme ça, de l'album, dans le contexte, comment est né ce fabuleux album. 10 mois de tournée ont épousé U2, qui a été dans tous les festivals et a présenté une performance remarquée au fameux Live Aid. Si vous vous souvenez, c'était un superbe concert quand on voit Bono prendre une jeune fille et chanter sur la chanson de Bad. Organisé, donc le Live Aid est organisé par Bob Geldof le 13 juillet 85 à Londres et n'a pas eu le temps de penser à son avenir. À l'automne 1985, le guitariste du groupe donc The Edge se lance dans la musique de film. Il compose et joue avec le chanteur Michael Brook la musique de Captive, le long métrage de Paul Meisenberg et fait la rencontre d'une étoile montante de la pop à cette époque, la jeune Sinéa O'Connor, avec qui il coécrit pour ce film le titre « Héroïne ». De son côté, Bono écrit pour puis enregistre avec Keith Richards et Ron Wood des Rolling Stones la chanson « Silver and Gold » destinée à l'album « Sun City », un projet de Steve Van Zandt pour lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud. En 1986, on retient surtout la participation de U2 aux côtés de Sting, Peter Gabriel, John Baez ou Lou Reed pour les plus connus aux 6 concerts de la tournée Amnesty International Conspiracy of Hope qui remporte 4 millions de dollars à l'ONG. U2 interprète lors de ses différents shows des morceaux de son répertoire ainsi que des reprises d'Eddie Cochran, Bob Dylan ou les Beatles. Pourtant, le Quatuor a tout de même trouvé le temps de créer son propre label, Mother Record, pour aider les jeunes talents irlandais, notamment Ian Tuanua ou les Hothouse Flowers. Bono, pour sa part, a collaboré avec le groupe Clannad sur la chanson I Am On The Lifetime et est parti en Éthiopie avec sa femme Alison, une expérience dont il revient fortement marqué. C'est finalement le 1er août 1986 que U2 se rassemble pour travailler à la suite de Unforgettable Fire. L'objectif du groupe est de créer une musique novatrice en réaction aux expérimentations ambiantes des précédents disques qui puisent sa force dans les racines du rock. En somme, un retour aux sources. Pour sa part, Bono va s'aventurer durant ces séances d'enregistrement à écrire des paroles mieux construites et plus profondes que les autres albums de U2. Il racontera pour Joshua Tree, et j'ai eu le sentiment qu'il était temps d'écrire de véritables paroles qui voulaient dire quelque chose tiré de mon expérience. La conception du disque a lieu à deux endroits principaux, au studio Wilmin Lane et au ST Studio à Dublin, entre août 86 et février 87. Le groupe conserve l'équipe de production de Unforgettable Fire, l'anglais Brian Eno et le canadien Daniel Lanois sont reconduits pour cet album. Le mixage est l'œuvre de Mark Wallis, Mark Kitlett et Steve Lillywhite, ces derniers rappelés au dernier moment sur 4 chansons, apportera une dimension plus énergique au contexte final afin de rendre l'album un peu plus direct. On constate enfin la présence d'un certain Mark Ellis alias Flood pour l'enregistrement de l'album aux côtés de Dave Meighan et Pat McCarthy. C'est le début d'une étroite collaboration entre le jeune producteur anglais et U2 qui se poursuivra dans les années 1990. Décrit par Bono comme le plus littéraire de nos albums, The Joshua Tree sort officiellement dans le monde entier le 9 mars 1987. Il est dédié au technicien néo-zélandais de U2, Greg Carroll, qui a perdu la vie lors d'un accident de moto le 3 juillet 86. C'est une disparition douloureuse pour le groupe et particulièrement pour U2, pour Bono, qui avait lié beaucoup d'amitié avec lui depuis leur rencontre à Auckland pendant The Unforgettable Tour en 1984. Au dos de la pochette du disque, on peut lire « To the Memory of Greg Carroll » de 1960 à 1986. Voilà plus ou moins le contexte. Après, je vous parlerai de l'album, mais avant, on va s'écouter « With or Without You », donc de U2, extrait d'album « The Joshua Tree ». Vous écoutez Backstage. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. The shore, you gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you. Troisième extrait de ce magnifique album, Jodhu Astri, c'était le titre We Are Without You, donc de U2, sorti en 1987, qui est pour moi le meilleur album de U2, mais ça, vous le savez déjà, je vous l'ai dit. Alors, on va vous parler maintenant de l'album. On va vous le faire en deux parties. L'album The Jodhu Astri est composé de 11 titres d'une durée totale de 50 minutes 11 secondes. L'album est inspiré par les périples américains du groupe et l'exploration des racines folk et blues. Il s'ouvre sur ce qu'on peut appeler la Sainte Trinité des Irlandais. Trois morceaux au romantisme imparable pour autant de tubes. L'épique We have the streets in your name, le gospel I still have found the what I'm looking for, décrit par Ziyech comme un moment de créativité génial, et la chanson d'amour pop rock With or Without You, ça convient de s'écouter. Ces deux derniers morceaux sont encore aujourd'hui les seuls 45 tours de U2 à s'être classés numéro 1 aux États-Unis. Where the Streets Have No Name lance donc l'album à travers d'une longue introduction d'une minute trente à l'orgue et à la guitare. Cette chanson a été écrite par Bono après son voyage initiatique en Éthiopie, où il a œuvré avec son épouse Allison pour une organisation humanitaire. Plusieurs semaines de travail ont été nécessaires pour composer la chanson, qui a failli rendre Brian Eno fou à tel point qu'il voulait effacer la bande et tout recommencer. Plus qu'un titre, Where the Streets Have No Name est un hymne à la paix, un acte de ralliement pour les fans du groupe. Troisième single de Joshua Tree, U2 l'interprète le 27 mars en 1987 pour le clip vidéo sur le toit d'un magasin de spiritueux à Los Angeles, provoque un bel attroupement. Second 45 tours de l'album I Still Have Found What I'm Looking For relate une prière de quelqu'un exprimant un manque. C'est une sorte de gospel musique que Bono, Daniel Lanois et Brian Eno ont beaucoup écouté. La star de U2 chante comme s'il jouait sa vie sur ce morceau. Cette chanson est un parfait exemple de session difficile de Joshua Tree. Intitulée au départ Under the Weather, elle débute comme souvent chez U2 par une jam. Elle se sonnait un peu comme Eyes of the Tiger, joué par un groupe de reggae, dit The Edge. Elle a ce beat étonnant, dit de son côté Daniel Lanois. Je me souviens avoir murmuré une mélodie très classique à l'oreille de Bono. Il m'a alors dit, c'est ça, n'en chante pas davantage. Il est sorti de la pièce et a écrit la mélodie telle que nous la connaissons maintenant. En 2010, le magazine américain Rolling Stone classe la chanson 93e sur la liste de 500 plus grandes chansons de tous les temps. With or Without You, donc la chanson qu'on a écoutée juste à l'instant, est le premier single de l'album qui permet au groupe d'acquérir une autre statue aux États-Unis. C'est l'un des morceaux les plus célèbres du groupe irlandais, avec One, Sunday Bloody Sunday ou New Year's Day. Comme le dit Bono, c'est une chanson qui ne parle pas seulement de relations dans le couple, mais des relations humaines en général et de mes relations avec les autres membres du groupe. Vous savez, parfois, à force de trop vivre les uns sur les autres, et même si l'on s'aime beaucoup, je me sens trop exposé, loin de mon intimité d'homme, de mari, de père, de famille. Côté musique, c'est par hasard que le groupe trouve l'arrangement parfait qui fera de With or Without You un tube, alors que Bono écoute la version instrumentale de la chanson, il entend en fond un effet de note maintenue de The Edge qui travaille sur un prototype de Infinite Guitar dans la pièce à côté. Une fois le morceau d'Infinite Guitar mis au point par The Edge, l'enregistrement de With or Without You se fait très rapidement. C'est une fierté pour le groupe de réussir cette chanson alors qu'il est en cours d'idée. Au début de l'enregistrement de Joshua Tree, avec cette balade rock qui donne des frissons et où se mêle un sentiment comme l'amour, la souffrance, le désespoir, U2 signe un chef-d'œuvre musical. En 2010, With or Without You a été classé par le magazine Rolling Stone à la 132e place sur la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps. On fera la deuxième partie après. Là, on va s'écouter un quatrième extrait qui s'appelle One Tree Hill. Bien entendu, extrait de l'album Joshua Tree. Backstage, les coulisses du son. Thank you. Voilà, donc c'était le titre Run Tree Hill, donc de Joshua Tree, de l'album U2, donc le backstage consacré à cet album sorti en 1987. On continue sur l'album. Alors pour l'ambiance, l'ambiance s'assombrit avec l'inquiétant Bullet de Blue Skies, avec le titre d'ouverture de Backstage qu'on a écouté ce titre, donc où la guitare de The Edge se répand en Larsen, menaçant. Les riffs d'intro de la chanson rappellent le morceau de Stranglehold de Ted Nugent. Les paroles de la chanson critiquent à la fois les activités américaines au Salvador sous la présidence de Ronald Reagan et les fondamentalistes religieux comme les télévangélistes qui se développent dangereusement aux États-Unis. En 2003, ce titre sera repris par le groupe de metal Sepultura sur son album Roadbreak, hormis lors du U2 360 Tour. Cette chanson est constamment interprétée par le groupe dans ses différentes tournées depuis 1987. Inspiré du Walk of the Wild Side de Lou Reed, Running to Stan Hill raconte les ravages de l'héroïne dans le quartier dublinois de Billingham où Bono a grandi. C'est une chanson imprégnée de tendresse et de compassion pour les victimes de la drogue. Bono s'y affirme définitivement comme un vrai chanteur. Il ne crie plus comme sur Sunday Bloody Sunday, The Refuge ou Pride in the Name of Love. Sa voix se fait plus soul et accompagnée d'un seul piano au début de la chanson et d'une guitare slide dépouillée. Le leader de U2 clôture le morceau à l'harmonica. C'est l'une des créations les plus abouties du groupe, un titre stimulant de poésie pop qui résonne comme une vérité lyrique. L'écrivain et journaliste irlandais Neil Stock considère Running to Stand Still comme l'une des chansons les plus importantes de Joshua Tree. La chanson Red Hill Mining Town, qui parle de la grève des mineurs et plus généralement de la mort des communautés minières britanniques sous Margaret Thatcher, aurait dû sortir en single. En effet, le réalisateur Neil Jordan réalisa le clip vidéo, mais U2 ne fut pas satisfait du résultat et le projet fut discrètement retiré. Néanmoins, on peut aujourd'hui visionner le clip vidéo sur YouTube de ce qui aurait dû être le deuxième single de l'album. À ce jour, c'est la seule chanson du disque qui n'a jamais été interprétée en live. I'm God Country, au tempo rapide d'après The Edge, peut rappeler un peu les envolées lyriques des débuts du groupe. Même si la chanson est dédiée à la Statue de la Liberté, Bono exprime dans le texte son malaise face aux rêves américains. Ce morceau a été difficile à finaliser, alors que musicalement parlant, il semble simple. Ce quatrième single de l'album fut sorti uniquement aux États-Unis et au Canada. Le blues rock Trip Through Your Wire aux allures de Far West voit Bono interpréter quelques passages à l'harmonica. En 1986, une première version de cette chanson contenant des paroles différentes a été réalisée sur la chaîne irlandaise RTE. Elle a été ensuite retravaillée pour les besoins de l'album dans les textes et les questions d'une expérience sexuelle peu conventionnelle et des sentiments de confusion et de culpabilité qui vont avec. One Tree Hill, donc la chanson qu'on a écoutée juste à l'instant, est une chanson écrite en hommage au jeune Maori grec Carol, le rodiste de Bono, décédé tragiquement lors d'un accident de moto sur une pluie battante à Dublin en juillet 1986. Le morceau est également dédié à l'opposant Victor Jara, chanteur et écrivain engagé chilien, torturé puis tué par le régime de Pinochet. Dans cette chanson, The Edge compose son propre son propre IU2 avec l'utilisation d'un synthétiseur présent au début et à la fin, donnant un effet d'apesanteur. One Tree Hill a été classé à la première place à la sortie directement en Nouvelle-Zélande en 1988. Exit est un morceau à part, à la structure anarchique et annonce, sans le savoir, une expérimentation des années 1990. Les paroles de la chanson décrivent l'esprit d'un tueur en série. Elle a été inspirée par Bono après la lecture de deux romans, Le Chant du Bourreau de Norman Mailer, sorti en 1979, et Du Sang-Froid de Truman Capote, publié en 1966, un Américain accusé d'un meurtre, de l'actrice de Rebecca Schiffer. En 1989, déclara pour sa défense qu'il avait été inspiré par l'écoute d'Exit. Un groupe américain de thrash metal Anthrax reprendra ce titre en 2003. En clôture du disque, Mother and the Disappeared est une chanson sombre qui parle d'une mère, des mères disparues, politiques dans les pays d'Amérique du Sud, soumises à la dictature militaire. C'est un titre instrumental caractérisé par la présence de chœurs, mais avec peu de paroles, rarement jouées durant Joshua's Tree Tour. Mother and the Disappeared a été réinterprété lors d'un émouvant concert à Buenos Aires en 1998. Lors du Pop Map Tour, Bono a fait monter sur scène les mères des disparus de la dictature de Videla en Argentine en 1976 pour dire le nom des enfants. Voilà, après je vous parlerai de la pochette. Et là, on va s'écouter Where the Streets Have No Name, qui est pour moi l'un des meilleurs titres de l'album de Joshua Tree. Vous écoutez Backstage. Where the streets are Where the Streets Have No Name, donc c'était U2. On continue la programmation et on continue aussi à vous conter donc ce fameux album de U2, de Joshua Tree, sorti en 1987. Et là, je vais vous parler un petit peu de la pochette conçue par le designer Steve Averley. The Joshua Tree est le dernier des albums en vinyle de Dyson. Donc après, c'est beaucoup les CD qui sont sortis. On critique des services presse. Aujourd'hui, il existe deux couvertures presque identiques de ce disque. La plus célèbre montre du côté gauche les quatre Irlandais et à droite le désert de Mojave où pousse le fameux cactus. Au premier rang, face à l'objectif, on voit Larry Mullen Jr. et à ses côtés Bono, mais de profil, derrière The Edge avec son chapeau et en fond Adam Clayton. Une autre couverture, la plus ancienne est en CD essentiellement, les montre en très gros plan, d'une manière un peu floue, de la même position ou presque que la pochette précédente dont je vous parlais, Larry Mullen regardant notamment légèrement à sa droite avec derrière eux le désert et les rocheuses. La photo a été prise par le néerlandais Anton Corbijn, comme toutes celles à l'intérieur de la pochette, donc du livret. C'est en décembre 1986 qu'Anton Corbijn a réalisé ses célèbres photos pour l'album. C'est également lui qui a trouvé le fameux arbre de Josué, situé en Californie, dans le désert de Mojave, non loin de la ville de Darwin. Par la suite, cet arbre a été longtemps un lieu de pèlerinage pour les fans de U2, mais il est tombé depuis. Voilà, donc après je vais vous parler... deux secondes de la tournée World Tour donc de Joshua Tree, mais avant on va s'écouter donc encore un titre et on va s'écouter Trip Through Your Weird de U2. I was going out. Voilà, donc c'était Trip Through Your Wire, donc de U2. Alors on continue avec le fameux Joshua's Tree World Tour. Après la sortie de l'album, U2 se lance dans une tournée mondiale. Ce périple musical débute à Tempe en Arizona le 2 avril 1987 pour se terminer dans cette même ville le 20 décembre suivant. Le Joshua's Tree Tour traverse seulement deux continents pour 109 spectacles, l'Amérique du Nord, États-Unis uniquement, l'Europe et à nouveau l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. U2 passe notamment à 3 reprises en France, au Zénith, à Paris le 15 juin 87, à l'Hippodrome de 27 le 4 juillet 87 et à l'Espace Richter à Montpellier le 18 juillet 1987. Toutes les chansons de Joshua's Tree sont interprétées durant la tournée, à l'exception de Red Hill Mini Town. Alors on a encore le temps de s'écouter une petite chanson, puis je reviendrai pour la consécration et après on se quittera avec un autre titre. On va s'écouter I Go The Country. Backstage, les coulisses du son. Voilà, c'était I Go The Country, extrait de l'album Joshua's Tree de U2. Alors voilà, on va se quitter avec un dernier des titres, mais juste un petit mot pour vous dire, bien des années après sa publication, The Joshua's Tree est souvent cité dans les nombreux livres spécialisés comme l'un des plus grands disques de U2 avec Cartoon Baby, mais aussi comme l'un des meilleurs disques de l'histoire du rock. Voilà, Backstage est terminé, on se quitte avec I Still Have I Found What I Ain't Looking For. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Backstage. Ciao à toutes et à tous. Vous écoutez Backstage. Vous écoutez Only Your Music on RQC.